Chapitre 11e. Voir Naples et puis mourir. Les aspirations de Scaramouche allaient au-delà. Voir Naples, y bien vivre, et puis voir autre chose. Quant à jouer à la comédie, il commença par n'y pas songer le moins du monde. Le chiffre de ses économies était respectable, si la source ne l'était guère. Il se mit en devoir de les dépenser aussi lestement qu'il les avait conquises. Sa gentilhommerie ne pouvait raisonnablement se passer de broderie, d'équipage ni de valet. Il se procura, dès le premier jour, de magnifiques habits, un riche carrosse et deux estaffiers, à quoi il ajouta une maîtresse, qu'il eut soin de renouveler toutes les 24 heures, afin de jeter quelques variétés dans son existence. Ces dispositions prises, il mena joyeusement la vie d'un grand seigneur, ami de la nature, des arts et surtout du plaisir. Naples lui offrait avec prodigalité de quoi satisfaire ses 3 aimables penchants. « Naples, dit Madame Figuier, et cela était il y a 2 siècles aussi vrai qu'aujourd'hui, Naples ne renfermait ni monuments ni palais. La ville est mal bâtie, les rues sont étroites, le peuple est couvert de haillons, les femmes sont laides, les enfants mal propres, les marchands peu consciencieux. La nourriture est détestable, l'eau saumâtre, le langage grossier. Les logis sont infectés d'insectes, et la campagne de brigands. Cependant, Naples est le séjour le plus adorable du monde. Le secret de l'attraction que cette ville exerce réside dans son climat. L'air de Naples est tiède et caressant. Il enveloppe l'esprit et le corps comme d'une ouate légère. La sensation que l'on éprouve en le respirant peut se comparer à celle que procure la douceur du miel en fondant dans la bouche. Pendant que l'âme s'amollit sous les chaudes effluves de cette atmosphère alanguissante, le regard est charmé par des perspectives splendides. Naples est une fête perpétuelle pour les yeux. Jamais rien de triste ni de sombre n'apparaît dans son horizon. Le ciel, la mer, les montagnes, les îles se parent de nuances joyeuses. Les rayons du soleil, le mouvement ou les reflets de la lune font ressembler le golfe à de l'or en fusion, à un bassin de nacre ou à une nappe d'argent. La mer est d'un bleu intense, les collines sont roses ou lilas, la verdure est vigoureuse, le ciel d'un azur sans nuages. Tous ces tableaux offrent une harmonie étrange, l'œil est ravi de leurs doux éclats. Tiberio Fiorelli a oublié de nous décrire les lieux où se réunissait, pour voir et se faire voir, le monde élégant de l'époque. C'est une lacune d'autant plus inexplicable qu'il y passait régulièrement les plus belles heures de la journée, et que le Posilippe, dont la vue majestueuse, l'air embaumé, la sérénité enivrante, la végétation suave, ont charmé, à près de 2000 ans de distance, Virgile et Madame Figuier, ne saurait avoir laissé froid et inattentif un voyageur aussi distingué que notre héros. Lorsque Scaramouche eut fini de tout voir et de tout admirer, il n'avait plus de quoi payer ses estafiers, l'avoine de ses chevaux, ni ses maîtresses. Il congédia cela, fut congédié par celle-ci, et vendit son attelage, ce qui lui donna le temps de réfléchir sur le parti qu'il devait prendre. Pendant qu'il délibérait, une troupe de comédiens vint donner des représentations à Naples. Sa planche de salut était trouvée. Les comédiens lui firent un accueil enthousiaste, que ratifièrent les applaudissements non moins enthousiastes du public. On ne parla bientôt plus dans tout Naples que du nouvel acteur Scaramouche. Le duc de Satriano voulut donner à sa famille le plaisir d'entendre et d'apprécier un si beau talent. Il la réunit, avec la fleur de la noblesse napolitaine, dans son palais, où il manda le favori du public et sa troupe. Le succès fut complet. Scaramouche, dit son biographe Mezzatine, s'attira des louanges, qui, en repaissant l'esprit, aurait été capable de rassasier l'appétit de tout autre. Cependant, s'étant assis à table par un ordre express du duc, il s'escrima si bien contre les plats qu'on connut bientôt que la gloire n'était pas le mets qu'il recherchait le plus. Le souper fini, les valets du duc prirent des flambeaux d'argent pour reconduire les convives jusqu'à la porte. Scaramouche se piqua de montrer qu'il savait aussi se rendre utile. Tenant un flambeau de chaque main, il descendit gravement et se fit la politesse de s'éclairer lui-même jusqu'à ce qu'il fût rentré dans son logis. Le lendemain, ayant retourné souper chez le duc, il lui dit « Monseigneur, je vous supplie de faire à votre argentier une verte réprimande qu'il n'aura certes pas volée. » « Qu'a-t-il donc fait ? » demanda le duc à Scaramouche, dont le visage sérieux ne laissait nullement entrevoir l'intention de dire une bouffonnerie. « Il a manqué de vigilance, monseigneur. J'aurais pu, si je l'avais voulu, emporter hier une bonne partie de la vaisselle, dont il a la surveillance. Mais je me suis contenté, pour lui donner une leçon, d'emporter une paire de flambeaux d'argent. Votre Altesse, si elle daigne m'en croire, complétera la leçon en me chargeant de lui démontrer comment on garde de si précieux objets. » Le duc trouva la plaisanterie originale, et Tiberio fut constitué gardien perpétuel des deux flambeaux. Mais dans la crainte qu'il ne prît fantaisie à son convive de donner à l'argentier une seconde leçon, l'Altesse ordonna à un estafier d'épargner à Scaramouche la peine de se reconduire en s'éclairant lui-même. Quelque temps après, la troupe de Scaramouche alla jouer chez le duc de Castro. L'argentier de ce prince, instruit de ce qui s'était passé chez le duc de Satriano, se garda bien de fournir à notre comédien nomade une nouvelle occasion de se signaler comme professeur de surveillance. Après une collation donnée dans le jardin, et dans laquelle il s'était montré le vaillant convive que vous connaissez, Scaramouche, costumé pour la pièce qu'il se préparait à jouer, sortira dans une allée solitaire afin d'y répéter quelques scènes nouvellement ajoutées à son rôle. Pendant qu'il essayait ses grimaces et ses postures les plus désopilantes, deux yeux étaient braqués sur lui à travers une palissade. C'était justement ceux du religieux au crucifix. Le révérend père, bien convaincu qu'il ne s'exposait point à commettre d'erreur, sortit de sa cachette, s'approcha tout doucement par derrière, saisit Tiberio par le pan de son manteau et lui demanda brusquement ce qu'il avait fait du crucifix. Le comédien eut beau feindre l'étonnement et protester qu'on le prenait pour un autre, le religieux tint bon et se mit à crier « Au voleur !» Notre voyageur, jugeant qu'il serait peu prudent de continuer une conversation entamée sur un ton si peu cordial, ne vit rien de mieux à faire que de renouveler la scène de Joseph. Lorsque les gens du duc accoururent au cri du religieux, ils le trouvèrent seul, tenant un manteau dans ses mains, et non moins furieux que l'avait été la femme de Putiphar. Cette rencontre fut cause que la société du duc de Castro se passa ce soir-là de comédie et que Scaramouche, ayant pris à peine le temps de boucler sa valise, courut s'embarquer sur un vaisseau qui appareillait pour l'île de Malte.